Je vais vous donner vraiment tout au plus une minute pour nous permettre de venir avoir cette décision. Vraiment, puisqu'on veut, on veut rapidement sortir. Pour l'Afrique, que la mesure de la soit élastique. Je plaide. Non, le docteur Tassinda, il a soulevé des problèmes. Je crois qu'il faut les enrichir. Il est allé loin, il faut les enrichir. Ça m'a inspiré une intervention. Et de franchir certaines lignes que je ne voulais pas franchir. Les gens qui veulent se réunir à Abidjan, là, pour faire la souveraineté des Africains dans le franc CFA, c'est Macron qui est derrière. C'est les manœuvres de l'Élysée, ça fait sourire. Mais ça soulève des problèmes de fond. C'était l'une des raisons de la visite de Macron au Cameroun. Ah, maintenant, je vous le dis. Hein. Qu'est-ce que vous croyez? Macron est le dépositaire de quels intérêts de manière financière? L'intérêt de Rothschild. Voilà les parents de Macron. Voilà ses créateurs et ses fabricateurs, Rothschild. Historiquement, après les deux guerres mondiales, la deuxième guerre mondiale s'est soldée par... C'était en fait l'affrontement de deux familles, de Rockefeller et de Rothschild. C'est terminé sur un avantage des Rockefeller. Lorsque la guerre en Ukraine chauffe, les Rothschild font une publication claire. Il faut tout faire pour que Poutine ne réussisse pas, ouais, par tous les moyens. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? Vous avez très bien vu que cette guerre est à la fin. Les Américains sont venus s'enrichir. Oui. Quand l'Europe s'affaiblit, les Rothschild s'affaiblissent. Oui. Donc vous voyez très bien qu'il y a derrière, et je vous ai dit ici que le franc CFA, c'est la propriété de Rothschild. Vous avez dit ça ici. Le franc CFA, tout à fait. Vous voyez que derrière, la guerre de Kim pousse les Rothschild à réfléchir et à dire qu'à tout faire pour que la fin des accords monétaires, de ce vieux cycle d'accords monétaires, débouche sur un nouveau cycle d'accords monétaires. Ils vont faire des petites concessions, mais que ça reste dans le giron de l'Europe. Non, de cette banque-là. Oui. Parce que les deux, le cartel là, ça dit qu'elle est fracturée entre d'un côté les Rockefeller et l'autre groupe de financiers et les Rothschild. C'est-à-dire, c'est ça la guerre, qui est une bonne partie de la guerre en Ukraine, s'explique par ça. Je dis bien une bonne partie, c'est pas tout, s'explique en ça. Donc, une bataille entre s'est créée, et vous pouvez comprendre pourquoi en Afrique centrale, la dynamique de fusion de la CAC et de la CEMAC. Vous voyez pourquoi c'était l'enjeu énorme, et vous voyez comment il y a des batailles pour freiner ça. Mais qui est en première ligne pour freiner ça? Qui a intérêt à freiner cette affaire? Mais ce sont les Rothschilds. Comme dit la France, bon, la France est même dépassée. C'est sont les Rothschild, c'est-à-dire que cet empire financier, c'est ça, ils ont intérêt à faire cette affaire parce qu'ils veulent contrôler cet état dynamique. Et d'où la prudence et le pays d'Afrique centrale avance à petits pas et pose des pas prudents, avance à petits pas. Donc, je voudrais citer aussi pour dire que ces perspectives, les perspectives monétaires du continent, c'est-à-dire que sont des enjeux extraordinaires. À partir du moment où le grand reset a échoué, le grand reset n'a pas réussi. Mais il va avoir la conséquence, c'est qu'il y aura un retour quasi colonial sur les anciennes dépendances coloniales, de manière au niveau, c'est-à-dire au niveau monétaire, avec les technologies monétaires nouvelles. C'est de cela qu'il s'agit. Deuxième chose que je voulais dire, au niveau des BRICS, il faut qu'on fasse attention. Il y a des pays dans les BRICS à l'heure actuelle sur lesquels on peut s'interroger. Parlons de ça. Et qui peuvent jouer une double stratégie d'infiltration de l'Occident. L'Afrique du Sud. Ce n'est pas un pays africain. C'est un pays africain, ça. C'est parce qu'il y a une loi à la tête d'État. L'Afrique du Sud, ce n'est pas un pays africain. Tous les instituts de ces pays sont contrôlés par ce qu'on connaît. Donc, on connaît. Donc, deuxièmement, l'Inde. L'Inde. L'Inde a des accords historiques avec la Russie. Oui. Mais historiquement, l'Inde, c'est Londres. Vous croyez que c'est par hasard qu'il y a un premier ministre d'origine indienne à la tête de la... Et vous les yeux, vous aussi, qu'est-ce que vous croyez? Lorsqu'il y a eu le BRICS, le Brexit, une bonne partie des capitaux sont partis où? Sont déplacés pour aller où d'Europe? Des capitaux qu'on parlait de Londres. En Chine et où? En Inde, pour ouvrir un nouveau cycle de prospérité pour certains gros capitaux en Inde. Je ne dis pas que tout le monde est dans ça, hein? Non. Mais il y a cette bataille. Il y a cette bataille des mondialistes contre les patriotes indiens, et ça tire. Ça tire. Donc, pour vous démontrer que quand je vous parle ici d'une possible tripolarisation qui peut déboucher, si les gens ne sont pas sérieux, nous savons de quoi nous parlons. C'est parce que cette dynamique-là, à un moment donné, je vous assure, à un moment donné, chacun va dire OK. Pour la Russie, quand elle s'impose, quand elle a sauvé ses intérêts vitaux, elle dit que moi, je vous dis, c'est terminé cette affaire. les frontières terminées, moi je reprends, je reconstitue, lui relève ma chaîne et consort. Les gens vont dire ok, d'accord. Les gens vont dire ok, on te conseille de ça. Mais c'est l'Afrique. Lève un peu le pied. Je ne sais pas de l'accuser les Russes. Je vous dis, le rôle de la Russie, ce n'est pas de sauver l'Afrique. Ce n'est pas le rôle. Si la Russie, c'est-à-dire que si dans cette bataille-ci, nos dirigeants, nos élites, et on voit bien quoi, les sont les présidents, même au niveau universitaire, regardez les travaux qui sont produits dans nos universités, il n'y a pas de travaux d'envergure. C'est-à-dire les vrais débats de l'heure. Oui, on publie des thèses sur, je ne sais pas, l'éléphant, les machins, on produit des thèses bizarres, il y a des gens qui sont agrégés de grammaire, des choses comme ça. Je n'ai rien contre tout ça, mais ce n'est pas ça qu'il nous faut. C'est-à-dire que les vrais travaux qui doivent porter sur ces enjeux, avec des propositions opérationnelles claires, comme sur la table du président, il n'y en a pas. Les présidents doivent réfléchir, concevoir tout et tout et tout, après ça, on les insulte. Là, il y a la volonté. Il y a même le déficit en matière de productivité intellectuelle de nos universités. Salut l'université, comme c'était comme peut-être le dit, de proposer des partenariats opérationnels. Quand ils parlent de la Chine et de la Russie, c'est à vous de venir. J'arrive. C'est pour ça que je te dis un peu. C'est important ce qu'on dit. Bien sûr. Ça vous d'offrir à la Russie bien sûr un partenariat opérationnel. Je vous donne un exemple clair. À l'heure actuelle, je ne sais pas, je vous donne l'information. Le président Touadéra a donné à la Russie un projet en matière d'opérationnalité de monnaie numérique, mais qui intéresse la Russie. C'est pour ça qu'on a choisi. La Russie a la technologie, mais la Russie, comme elle n'a pas eu le temps de réfléchir à des perspectives de monnaie numérique, Touadéra lui a dit, mais voici, je suis allé loin, j'ai réfléchi, j'ai dit, voilà. Mais c'est ce qu'on attend. C'est-à-dire, il faut que nos universités, nos élites, commence à réfléchir comment est-ce qu'on peut profiter de faire de vraies affaires dans le cadre de cette opportunité géopolitique et géoéconomique qui sauve le monde, n'est-ce pas, et refuser toute perspective d'entente entre les trois là, entre la Chine, la Russie et l'Occident. Il faut tout faire pour empêcher ça. Oui, ça c'est très important. Mais c'est ce qu'on fait, mais c'est fondamental. Quand on regarde là, c'est peut-être qu'on se bat ici, quand on regarde là, n'est-ce pas, on voit au niveau des élites africaines, dans nos États, qu'est-ce qu'on offre. Je termine avec la plus. Quand nos pays, quand la France n'est plus capable de financer, entre guillemets, d'assurer le débit dans nos États, avec l'avènement de la mondialisation, on peut avoir un FMI. Mais les États ont diversifié. La diversification des partenariats qu'il y a eu avait des limites. Parce qu'il s'agissait simplement pour les autorités d'avoir les marges de manœuvre, d'avoir conservé leur pouvoir et trouver un financeur. La Chine a dit je finance. Mais ça n'a pas changé l'institut de l'économie. Ça n'a rien changé. C'est qu'on a eu un financeur de plus. Mais il faut approfondir la diversification des partenariats pour déboucher sur des changements structurels rien de nos économies. Mais c'est cela qu'il s'agit. Valorisons nos matières premières. Développer de l'intelligence économique, l'intelligence financière. Vous avez de l'or, dites-moi par quelle machine vous n'avez pas transformé l'or en argent. Il y a un problème. Vous avez de l'or, transformez ça en argent. Donc, il faut que désormais les prix de nos matières premières soient fixés en Afrique. D'accord. Pas à Londres. C'est une grande bataille. Hein. Mais regardez ce que Poutine a en train d'offrir à Tchikop à Erdogan. Parlons, je donne son concret. Regardez Erdogan. Vous chuter, je vous en prie, puisqu'on on est les bas. Je donne l'exemple concret. Regardez Erdogan. Il se fait des milliards, rien que par un positionnement géopolitique. Ouais. Des milliards. Mais on peut faire pareil. C'est-à-dire qu'il faut monter des projets, il faut réfléchir rapidement pour que cette affaire-là, on s'en sorte. Et la Russie est dans les bonnes dispositions. D'accord. Dans une certaine mesure, la Chine. D'accord. Une phrase. Vous, sont pas les seuls vous voyez donc qu'en réveillant le Fonds monétaire africain, la Banque d'investissement africaine, voilà les meilleurs partenaires de ces instruments, de ces partenaires. Mais nous demandons d'aller à Abidjan réfléchir sur une souveraineté du franc CFA et de émettre des euros CFA ou des titres en CFA. Docteur Ndumba, vraiment. Nous on ne les insulte pas, nous regardons, mais nous ne sommes pas dedans. C'est toxique. Ouais. D'accord. Nous ne sommes pas dedans. Afrique Média, le monde, c'est nous.